parfois que mon cœur s'accroche. Il arrive parfois que mon cœur se serre. Des gens m'ont dit d'aller voir un peu plus loin. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Je chanterai jusqu'au matin. C'est optimiste, c'est déjà bien. Il arrive parfois que mon cœur se taise. Il arrive parfois que mes bras se tendent vers toi, toi qui es là et qui ne comprends pas. Toi qui es là, qui espère tant de moi. Et moi qui te connais si bien, je sais que tu n'as plus de chagrin.